Aujourd'hui, j'aimerais partir d'une question. Nous trouvons-nous situés à la juste distance historique pour pouvoir poser à nouveau frais la question des différences et des similitudes entre la perspective théorique et méthodologique hybride adoptée par Edward Said dans l'orientalisme et celle de Michel Foucault? Vous savez très bien que la perception de ces rapports été largement piégé dans le jugement de Saïd, qui, dans son premier temps, qui remonte à l'introduction de l'orientalisme, a reconnu avec gratitude sa dette envers Foucault, alors que, peu après, il a commencé à mettre en avant toute une série de réserves que nous pouvons résumer à trois points majeurs qui sont étroitement liés entre eux. Premièrement, le manque de la dimension coloniale et postcoloniale dans les analyses foucauldiennes des rapports entre pouvoir et savoir. Deuxièmement, l'effet que ce manque aurait inconsciemment enfermé ces analyses dans un modèle ethnocentrique. Troisièmement, l'incapacité d'y penser la résistance au pouvoir par l'effet de suggérer que celui-ci est omnipotent et n'ouvre aucune ligne de fuite permettant de lui échapper. Et c'est justement à ces propos que, dans son célèbre article de 1982, Parallel Theory, Saïd en vient à définir Foucault comme l'esprit du pouvoir. Par ailleurs, vous savez aussi que ce rapport s'envenime sans doute aussi à la suite d'épisodes de caractère peut-être plus anecdotique, comme c'est le cas de la rencontre entre Saïd et Foucault, à l'occasion d'un séminaire organisé à Paris au printemps de 1979 sur les conflits israélo-palestiniens par Simone de Beauvoir dans l'appartement de Foucault lui-même en rue Vaugirard. C'est ici que de la reconstruction rétrospective qu'en fera Saïd prend forme l'idée que Foucault, du fait de s'être dérobé aux questions que Saïd, quant à lui, posait sur la Palestine, aurait été pro-Israël, ce qui aurait plus tard confirmé, toujours d'après la reconstruction de Saïd, une conversation avec Gilles Deleuze. Donc, est-il possible aujourd'hui de sortir de ce cadre lié au jeu de déformation mutuelle de l'époque pour examiner de manière plus analytique les différences et les similitudes entre ces deux figures majeures de la pensée critique de la seconde moitié du XXe siècle? Cette question se révèle aujourd'hui d'autant plus urgente si on prête attention au fait que la publication très récente des cours que Foucault a prononcés au Collège de France à l'époque où est sorti l'orientalisme nous donne, sans s'en conduire pour la première fois, l'opportunité de comparer sous un angle théorique et conceptuel nouveau ce deux perspectives. Parmi ces cours au Collège de France, que Foucault a tenu, des cours très riches qui remplissent les vides entre la publication du premier volume de l'histoire de la sexualité, c'est-à-dire La volonté de savoir en 1976, que Saïd connaissait avant d'écrire l'orientalisme, et la publication des deux derniers volumes, L'usage des plaisirs et les soucis des soins en 1984, ces cours que Saïd justement ignorait. Parmi ces courses, il y en a un en particulier qui me semble très important pour mettre en parallèle les chantiers de recherche de Saïd et de Foucault, c'est-à-dire les cours de 1980 du gouvernement des vivants, où Foucault revient sur la notion de régime de vérité, qu'il avait par ailleurs déjà mentionné très rapidement en 1995 dans Surveiller et punir, encore en 1976, dans son entretien intitulé La fonction politique de l'intellectuel, ainsi que dans son cours Il faut défendre la société, et qu'il avait encore développé en 1979 à propos des jeux de véridiction et des juridictions concernant les marchés au sein de la gouvernementalité libérale, et enfin, ce que je trouve très significatif, dans un de ses reportages sur l'Iran. Toujours en 1979. Mais pourquoi cette notion du régime de vérité de 1980 serait-elle ainsi importante pour relire l'orientalisme de Saïd d'un point de vue qui peut avoir aujourd'hui quelque intérêt? Pour répondre à cette question, Il faut retourner à l'introduction de l'orientalisme, où Saïd fait des remarques très ponctuelles sur la question du discours chez Foucault et sur son rapport ambivalent avec cette notion dont il fait un usage avant tout méthodologique, pas trop rigoureux, mais jusqu'à un certain point. Je partirai d'un passage sur lequel hier s'est arrêté même Nadia Mazzucchi, où Saïd dit « Je me sépare de Michel Foucault, à l'œuvre de qui je dois beaucoup, sur un point. Je crois en l'influence déterminante des écrivains individuels sur les corpus des textes, par ailleurs collectifs et anonymes, constituant une formation discursive telle que l'orientalisme. Foucault croit qu'en général, les textes ou l'auteur individuel compte très peu. Mais l'expérience me montre qu'il n'est pas ainsi dans le cas de l'orientalisme. Par conséquent, je procède dans mes analyses par explication des textes dans le but de révéler la dialectique entre les textes ou l'écrivain individuel et la formation collective à laquelle l'œuvre en question est une contribution. » Fin de la citation. Ce que vous voyez ici, et qui par ailleurs était déjà bien visible dans un compte-rendu que Saïd avait publié en 1974 dans la revue Diacritics, à propos d'un volume anglais, les volumes anglais qui rassemblaient l'archéologie du savoir et l'ordre du discours, c'est là que Saïd se demande justement comment est-il possible de poser la question incontournable du sujet, de la subjectivité de l'écrivain et de l'orientaliste, à l'intérieur d'une perspective d'analyse axée sur le discours comme celle de Foucault. Ou, autrement dit, il est possible de rassembler dans la même perspective théorique et méthodologique, d'un côté, l'analyse d'un discours centré autour de la production, de la diffusion, de la circulation d'un ensemble anonyme et impersonnel dénoncé, et de l'autre, un point de vue qui porte sur des auteurs et des processus de subjectivation à la fois éthique et politique qui concernent les pratiques d'écriture. Or, c'est autour de ces questions qu'à mon avis se joue aujourd'hui la possibilité de poser à nouveau frais les problèmes du rapport entre la perspective théorique de Foucault et celle que Saïd avait dégagée dans l'orientalisme. S'il est vrai que, jusqu'à la publication de l'orientalisme, Foucault s'était davantage occupé du discours comme formation anonyme et impersonnelle qui était soutenue et qui, à son tour, soutenait certaines technologies de pouvoir. Il est également vrai qu'à partir de 1978, dans les cours au Collège de France, Foucault commence à se demander de quelle manière les partages du vrai et du faux, donc les discours, ou si vous voulez, les savoir-pouvoir, ou encore la gouvernementalité, et à la fois porteurs et opérateurs, donc je veux dire, les discours est embarqué avec les questions de pouvoir, bon, comment cette dimension-là implique la question de la subjectivité. Ces chantiers de recherche des derniers cours au Collège de France, dont Saïd ne pouvait pas connaître toute la complexité que les publications récentes nous ont révélées, nous permettent aujourd'hui de pouvoir mettre en parallèle ces deux options quant au rapport entre discours et subjectivation. Donc ces deux modalités qu'on peut schématiquement appeler celle de l'orientalisme et celle du régime de vérité. Et donc, c'est par là qu'il faut commencer pour se demander s'il est possible, et éventuellement dans quelles limites, d'aborder l'orientalisme comme un régime de vérité. Permettez-moi donc de partir de la notion de régime de vérité pour vous montrer un certain développement de cette idée, ainsi que certaines transformations internes à la perspective foucauldienne. Je voudrais commencer avec une définition du régime de vérité qui remonte en 1976, donc avant la publication d'Orientalisme, là, au cours de l'entretien sur la fonction politique de l'intellectuel. Foucault affirme « Chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité, c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrai, les mécanismes et les instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les unes et les autres, les techniques et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité, les statuts de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai. Par vérité, je ne veux pas dire l'ensemble des choses vraies qu'il y a à découvrir ou à faire accepter, mais l'ensemble des règles selon lesquelles on partage les vrais du faux et on attache aux vrais des effets spécifiques des pouvoirs. » Continue Foucault, « Il ne s'agit pas d'un combat en faveur de la vérité, mais autour du statut de la vérité et du rôle économico-politique qu'elle joue. Par vérité, il faut entendre un ensemble de procédures réglées par la production, la loi, la répartition, la mise en circulation et les fonctionnements des énoncés. La vérité est liée circulairement à des systèmes de pouvoir qui la produisent et la soutiennent, et à des effets de pouvoir qui l'ennuient et qui la reconduisent, c'est-à-dire, c'est ça, un régime de vérité. Or, comme l'a récemment remarqué Andrea Teti dans son article paru sur le dernier numéro de la revue Foucault Studies, on peut mettre en relation cette notion de régime de vérité avec certaines définitions que Saïd donne dans son introduction de l'orientalisme. Comme par exemple, et je cite, le fait que l'orientalisme exprime et représente sous son forme d'un mode de discours avec pour les tailleurs des institutions un vocabulaire, un enseignement, une imagerie, des doctrines et même des bureaucraties coloniales et des styles coloniaux. Que l'orientalisme est un style de pensée fondé sur la distinction ontologique et épistémologique entre l'Orient et, le plus souvent, l'Occident. Mais il est aussi l'institution globale qui traite de l'Orient, qui entrate par des déclarations, des prises de position, des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement. Et enfin, que personne ne peut écrire, penser, agir en rapport avec l'Orient sans tenir compte des limites imposées par l'orientalisme à la pensée et à l'action. À cela, Saïd ajoute que l'orientalisme prétend d'être un discours véridique sur l'Orient, tout en restant le signe de la puissance européenne et atlantique sur celui-ci, donc l'orientalisme comme un discours de vérité qui prétend à la vérité. Néanmoins, en regardant plus analytiquement les stratégies théoriques et méthodologiques qui opèrent à travers cette notion d'orientalisme, nous voyons, entre autres choses, non seulement que la notion foucaldienne des discours, comme par ailleurs c'est le cas chez Foucault lui-même, s'appuie sur la question des relations de pouvoir. Mais aussi qu'il s'agit là, comme chez Foucault, d'un ensemble impersonnel de contraintes qui peuvent, à juste titre, faire parler de l'orientalisme comme d'un régime de vérité. En ce sens, dans la partie sans doute la plus dense d'un point de vue théorique de son ouvrage, Saïd explique que l'orientalisme est caractérisé par une double scène. D'un côté, il y a les noyaux les plus profonds de l'orientalisme, épistémologiquement stables, dérivés des formes discursives fixées de façon lexicographique et stéréotypée, que Saïd appelle orientalisme latent. De là, découle tout un ensemble d'énoncés s'appuyant sur un certain nombre de soutiens institutionnels qui est sans cesse répété et propagé et qui enfin arrive à consolider un champ très large des signifiants des stabilités. C'est à travers cet orientalisme latent que se produit une vision, justement orientaliste, qui autorise à penser qu'il est possible de maintenir toutes les variétés du comportement oriental à l'intérieur d'une vue générale du domaine, tout entière, c'est Saïd qui parle. Cette vision crée des généralisations très larges qui réduisent de fait toute différence et produit des dichotomies radicales selon un schéma binaire eux-nous. Et une telle configuration discursive se condense dans ce que Saïd appelle un système statique d'essentialisme synchronique. Chronique, dit la traduction française, en fait, c'est synchronic essentialism. Par ailleurs, Saïd nous invite à considérer que la solidité discursive que l'orientalisme latent gagne à travers ses rénonciations successives est de fait toujours hantée par une pression constante. Et dit Saïd, je cite, cette pression en source narrative, en ce sens que si l'on peut montrer qu'un détail oriental quelconque se modifie ou se développe, on introduit la diachronie dans le système. Ce qui semblait stable, et l'Orient est synonyme de stabilité, d'éternité, immuable, apparaît maintenant comme instable. Cela fait que l'histoire, avec ses particularités dérangeantes, sécurant des transformations, sa tendance à la croissance et au déclin, au mouvement dramatique, est possible en Orient et pour l'Orient. L'histoire et la narration qui la représentent démontrent que la vision est insuffisante, que l'Orient, catégorie ontologique inconditionnelle, ne rend pas justice au potentiel des changements de la réalité. Fin de la citation. Cette instabilité, introduite par ce que Omi Baba a appelé les formes diachroniques de l'histoire et de la narration, et dont ce matin on parlait avec l'intervention de Dino, marque la seconde scène de l'orientalisme désignée comme orientalisme manifeste. Pour autant, à l'intérieur de cette double scène, au dogme de l'orientalisme latin s'opposent les descriptions d'un Orient, d'Issaïd présent, moderne, manifeste, articulé par des voyageurs, des pèlerins, des hommes d'État, etc., qui sont donc propres à l'orientalisme manifeste. Toutefois, à un certain moment, note Saïd, une tension se développe entre ces deux types d'orientalisme lorsque, par les récits d'un nombre de plus en plus croissant de rencontres avec les peuples orientaux, la réitération du discours orientaliste montre sa dépendance d'une contingence historique qui expose au risque tous ses signifiants de stabilité, et en même temps la structure essentielle de ces configurations. Une question finalement se pose ici, au moins sous un angle à la fois théorique et méthodologique: comment est-il possible penser cette tension qui engendre des écarts dans les processus de réactualisation discursive de l'orientalisme? À ce propos, Saïd remarque: à un certain moment, impossible à déterminer avec précision, cette tension a causé une convergence de deux types d'orientalisme. Elle s'est probablement produite, ce n'est qu'une hypothèse, quand les orientalistes, à commencer par Sylvestre de Sécy, ont entrepris de conseiller les gouvernements sur ce qui était l'Orient moderne. Ici, le rôle du spécialiste, avec sa formation et son bagage particulier, a pris une autre dimension. L'orientaliste a pu être considéré comme l'agent secret de la puissance occidentale dans ses tentatives pour établir une politique vis-à-vis de l'Orient. Fin de la citation. Néanmoins, je pense que ce moment de convergence entre ces deux modalités de l'orientalisme ne peut pas être pensé comme un simple événement discursif. Comme le rappelle Saïd à maintes reprises, ce moment est historiquement décisif car, dès la défaite de Napoléon et du Congrès de Vienne jusqu'à la Première Guerre mondiale, le pourcentage global des territoires colonisés par les puissances européennes passe de 35% à 85%. C'est en effet avec la figure de Sylvestre de Sassy que la reconstruction de l'orientalisme que Saïd nous propose ne procède plus par l'analyse des régularités discursives anonymes et impersonnelles, comme une démarche plus foucaldienne l'aurait suggéré, mais s'appuie en revanche sur une série de figures individuelles qui, chez Saïd, réintroduisent la question de la subjectivité au cœur des formations discursives de l'orientalisme. C'est à ce moment-là qu'à mon avis prend tout son sens ce que la plupart des interprètes et des lecteurs de l'orientalisme de Saïd ont eu la tendance à négliger. Je me réfère au fait que tout à côté du premier exergue à cet ouvrage, la célèbre citation du 18 Brumaire de Marx, ils ne peuvent se représenter eux-mêmes, ils doivent être représentés, dont l'importance est largement reconnue dans l'économie de ces textes saïdiennes. À côté de cette première citation, il apparaît une seconde, qui à mon avis possède elle aussi une importance tout à fait considérable. Il s'agit d'une petite phrase, un peu gnomique, tiré du Tancred de Benjamin Disraeli, qui dit « L'Orient est une carrière ». En effet, en évoquant cette phrase plus loin, Saïd semble bien suggérer qu'à côté de la productivité discursive concernant l'Orient, il faut considérer des formes et des processus de subjectivation également incontournables. Comme Saïd le dit lui-même, l'Orient était devenu une carrière, selon l'expression de Disraeli, dans laquelle on pouvait refaire et restituer non seulement l'Orient, mais aussi soi-même. Fin de la citation. C'est pourquoi il me semble que cette notion, celle de la carrière, joue un rôle capital dans la problématisation des rapports entre discours et subjectivation, en traversant de manière souterraine les cadres théoriques et méthodologiques de l'orientalisme. C'est justement là que les opérations conceptuelles pour aborder ces processus cruciaux pour l'orientalisme s'écartent, comme je le disais, d'une vision stricte et rigide de l'analyse foucaldienne du discours pour poser, par les biais de la notion de carrière, la question de la subjectivation au sein du discours. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par carrière? Je crois qu'en passant analytiquement en revue, comme je l'ai fait dans mon travail de thèse, toute la série des carrières dont Saïd parle dans cette partie de l'orientalisme, on autour, par exemple, de Sacy, Renan, Lang, Barton, Lawrence, Chateaubriand et Lamartine, Nerval et Flaubert, Massignon et Gibbe. Bon, on peut dire, en généralisant un peu, que la carrière désigne les modalités historiquement déterminées en vertu desquelles une subjectivité prend une certaine position à la fois énonciative, politique et éthique. La formation d'une carrière devient lisible à partir de toute une série de manières de faire place aux logiques, de se placer par rapport aux logiques de professionnalisation d'une certaine époque, c'est-à-dire justement celle de l'orientalisme, la logique de professionnalisation de l'orientalisme. Cela ouvre un champ de problématisation générale où il s'agit de montrer comment les individus, en se subjectivant selon les impératifs dictés par l'exigence de faire carrière, entre ainsi en relation avec un ensemble de discours qui exercent sur ces individus une pression discursive sur leur pratique d'écriture au sujet de l'Orient. Et par là même, une sorte de normalisation sociale qui permettait de produire, comme le dit Saïd, une capacité d'énonciation qui pouvait être utilisée, ou plutôt mobilisée et transformée, en discours raisonnable pour l'occasion concrète qui s'est présentée. La question de la carrière consiste alors à déterminer ce qui doivent être les subjectivités, à quelles conditions il faut être soumis, quel statut il faut avoir, quelle position il faut assumer, quelle pratique d'écriture il faut adopter, quel travail sur soi-même il faut exercer dans le réel et dans l'imaginaire pour avoir finalement la capacité énonciative et la légitimité nécessaires pour parler ou écrire de l'Orient, pour tenir un discours de vérité sur l'Orient. Mais il est clair que quand il parle de carrière par rapport à l'orientalisme, Saïd fait référence à des parcours de professionnalisation bien différents les uns des autres. On ne peut pas parler, tout simplement et de façon très générale, de la carrière orientaliste. Il y a la carrière de l'homme politique, du professeur universitaire, de l'écrivain, du savant. Et bien que parfois on trouve des superpositions, il serait toutefois trompeur de dire que toutes ces figures sont des figures orientalistes au même titre. À mon avis, en cherchant à comparer ces processus de subjectivation entre eux, ainsi que les différents régimes des pratiques dont ils relèvent, il faudrait plutôt parler des carrières dans l'orientalisme. Et c'est là, dans la mesure où les discours orientalistes, afin de se réitérer par ces renonciations, passent par ou prennent appui sur une certaine variété de pratiques d'écriture qui, par conséquent, détermine de manière multiple les processus de subjectivation des différentes carrières. De sorte que, dit Saïd, personne ne peut écrire, penser, agir en rapport avec l'Orient sans tenir compte des limites imposées par l'orientalisme à la pensée et à l'action, comme je disais tout à l'heure. Or, c'est exactement là où, par le biais de la notion de carrière et de la problématisation entre discours, pouvoir et subjectivation, Saïd pense de se démarquer, de s'éloigner d'une perspective foucauldienne, qu'il y a en réalité une sorte de paradoxe, dans la mesure où, durant ces mêmes années, à travers la réélaboration de la problématique d'un régime de vérité indexé à la subjectivité, Foucault se pose lui aussi la question du gouvernement des hommes à la manifestation de la vérité dans la forme de la subjectivité. Comme il l'affirme lors de la leçon du 30 janvier 1980 dans son cours du gouvernement des vivantes. En se demandant en outre, et je cite, « Pourquoi, sous quelle forme, dans une société comme la nôtre, existe-t-il un lien si profond entre l'exercice du pouvoir et l'obligation pour les individus de faire de eux-mêmes dans les procédures de la manifestation de la vérité, des acteurs essentiels, quelle relation entre le fait d'être sujet dans une relation de pouvoir et sujet par lequel, pour lequel et à propos duquel se manifeste la vérité? Qu'est-ce que c'est que ce double sens du mode sujet, sujet dans une relation de pouvoir et sujet dans une manifestation de vérité? » Fin de la citation. Pour commencer à répondre à ces questions, Foucault explique que pour avoir accès à cette manifestation de la vérité sous la forme de la subjectivité, ce qui d'ailleurs est appelé aléturgie, le sujet doit accomplir, dit-il, des actes de vérité. Ce qui revient au sujet dans cette manifestation de vérité sera alors défini, premièrement, par le rôle qu'il joue comme opérateur, deuxièmement, par le rôle qu'il joue comme spectateur ou témoin, Troisièmement, par les rôles qu'il joue en tant qu'objet même de la liturgie, de la manifestation de la vérité. Donc, dans ce passage, vous pouvez voir dans quelle mesure la subjectivité est impliquée dans la relation de réciprocité entre un ordre discursif et des relations de pouvoir. Or, ce qui me semble important de remarquer ici, c'est que cette implication de la subjectivité à l'intérieur du régime de vérité se joue moins sur la modalité actif-passif, puisque, comme vous l'avez vu, ces actes de vérité présupposent à la fois et un côté, disons, actif et un côté passif. Cette application se joue plutôt sur le fait que ce qui revient au sujet dans les régimes de vérité est qu'il joue un rôle, c'est-à-dire qu'il participe activement ou passivement à une manifestation de vérité. Et cette participation implique une dimension pratique qui se compose de certains actes de vérité historiquement déterminés. Or, je pense que si nous interprétons l'orientalisme dont parle Saïd comme un régime de vérité, nous pouvons faire retour à la notion de carrière pour nous interroger sur les types d'actes de vérité qu'on peut repérer dans cette forme de subjectivation particulière qui est justement la carrière dans l'orientalisme. Mais avant de faire ça, il faut expliquer comment la subjectivation de la carrière, comment la problématisation entre discours et subjectivation que Saïd tente d'organiser autour de la carrière puise sa racine dans un ouvrage précédent et dont l'importance est souvent négligée par les interprètes de l'orientalisme. Je me réfère évidemment à Beginnings, Intention and Method, sorti en 1975, et c'est là que Saïd analyse la notion foucauldienne des discours dont il se servira pour aborder et rassembler la masse documentaire vaste et hétérogène qui composera l'orientalisme 3 ans plus tard. C'est là que Saïd met en relation les discours et la carrière en tant que forme de subjectivation. Je cite un passage. Les discours, dit Foucault, c'est les choses dites, ce qui semble être des paroles en l'air, dont la réalité dans un texte, l'occasion de leur purification et de leur élévation, est la forme que prend le jugement sur ce qui exclut et sur quiconque procède à l'exclusion, qui prend l'exclusivité et les savoirs. Et en d'autres termes, la réalité d'un texte a un aspect ouvertement public que nous avons mis en relation avec la carrière de l'auteur et avec sa performance, sa prestation. Continue Saïd, il n'y a pas de texte innocent. Fin de la citation. Or, ici, il est moins question de s'arrêter sur la manière dont Saïd entend les concepts de discours chez Foucault que de saisir les types de tournures théoriques que Saïd cherche à introduire dans les discours par le biais de cette notion de carrière. Alors, on voit qu'au cœur de la raréfaction du discours, Saïd repère d'importants moments subjectifs ou, comme il le dit lui-même, des exigences pratiques dans la forme d'un choix entre des alternatives. C'est ici que cette question de la carrière prend forme, si vous voulez, de manière performative, à travers ce que Saïd appelle des oppositions techno-éthiques, et qui pourtant ne caractérisent encore dans Beginnings que l'auteur en tant qu'écrivain. Je pense que cette notion de carrière et ces oppositions techno-éthiques constituent les véritables traits d'union entre Beginnings et l'orientalisme. Certes, il y a bien sûr des différences entre les carrières dont il est question dans Beginnings et celles qu'on peut retrouver dans l'orientalisme. La carrière esquissée dans les premiers ouvrages, c'est davantage celle de l'écrivain ou du poète, alors que dans l'orientalisme, il s'agit de celle de l'orientaliste, qui embrasse un ensemble beaucoup plus large des figures du savoir et de l'imaginaire, du politicien à l'érudit et de l'homme des sciences à l'homme des lettres. Par conséquent, les modèles de textualité ainsi que les pratiques d'écriture eux-mêmes sont respectivement envisagés sous des angles qu'on ne peut pas superposer. Dans Beginnings, c'est la fonction artistique ou expressive de la carrière qui prédomine, tandis que dans l'orientalisme, les textes produisent des représentations des énoncés qui prétendent à la vérité. En outre, en ce qui concerne l'appui que la carrière prend sur les institutions de pouvoir politique, la situation s'avère d'un bien tout autre type, puisque cette relation sera évidemment plus marquée et donc plus approfondie dans l'orientalisme. Enfin, bien que certaines figures, on pense à Flaubert, Renan, Lorenz, etc., soient évoquées dans les deux textes, Il faut remarquer que Saïd sépare toujours la production esthétique et littéraire propre à ses auteurs de la fonction qu'il jouait dans la configuration de l'orientalisme, notamment au XIXe siècle. Néanmoins, en dépit de toutes ces différences, il est presque impossible d'ignorer que la notion de carrière, présentée par Saïd lui-même comme une des notions clés dans Beginnings, ne peut qu'avoir des relations avec la notion de carrière qui apparaît dans l'orientalisme à partir de son exergue, l'Orient et une carrière. Donc, j'aimerais m'arrêter un peu sur ces relations, car il y a là, entre la carrière littéraire de Beginnings et celle qu'on trouve dans l'orientalisme, des transformations, des opérations de dérivation et d'élaboration qui me semblent cruciales de repérer pour mieux saisir la complexité théorique de la perspective saïdienne sur l'orientalisme, c'est-à-dire l'ordre des questions que Saïd pose à l'énorme masse discursive dont se compose sa recherche. Certes, ces transformations sont bien sûr tacites, souterraines, et Saïd ne l'explicite d'ailleurs nulle part dans les pages de l'orientalisme. Mais je pense qu'elles ont été concrètement à l'œuvre pour déterminer l'opérativité conceptuelle analytique qui caractérise la notion de carrière que Saïd utilise pour justifier le fait de ne pas traiter seulement des textes, des corpus en discours orientaliste, mais aussi des figures individuelles qu'il considère parmi les plus importantes au sein de l'orientalisme entre le XIXe et le début du XXe siècle. Donc, je vais rapidement passer en revue les quatre séries d'oppositions techno-éthiques de la carrière littéraire, en montrant en même temps, par chaque série, quelles sont les transformations qui permettent de comprendre l'opérativité conceptuelle de la notion de carrière dans l'orientalisme. La première série d'oppositions concernant la carrière littéraire était centrée sur des techniques du détachement de la quotidianité mises en place par l'écrivain afin de se réserver une sorte d'espace à la fois ascétique et esthétique d'où il pouvait transfigurer les temps de la vie ordinaire pour en faire celui de la création artistique. Si dans Beginnings, cet ensemble de pratiques visait de quelque manière un éloignement de soi de la vie de tous les jours, dans l'orientalisme, au contraire, cette opposition semble totalement inversée par la question. De quelle façon et en quelle mesure celui qui écrit au sujet de l'Orient est-il impliqué dans la dimension politique et institutionnelle qui sollicite les orientalistes à produire des discours qui participent à des entreprises de domination? En bref, le premier segment dont la notion de carrière se compose dans l'orientalisme déterminera les modalités et les degrés d'implication à l'intérieur des institutions politiques et culturelles d'une certaine époque et dans certains contextes géopolitiques. La pratique de l'écriture orientaliste comme acte de vérité, qui prétend dire vrai sur l'Orient, ne peut pas être abordée sans tenir compte de cette détermination dans la mesure où il est question des contraintes institutionnelles spécifiques qui influencent la production des énoncés sur l'Orient. La deuxième opposition de la carrière littéraire posait l'exigence de ne faire nullement dépendre l'écriture des attentes des lecteurs, et visant au contraire à une sorte de responsabilité envers ses propres textes ainsi qu'envers l'écriture elle-même. En découlait ainsi la nécessité des pratiques de cohérence et de contrôle des images créées par l'écriture. Dans cette phase, l'ascèse qui caractérisait ces pratiques s'exerce sur la vie de l'artiste en cherchant à maintenir une certaine tension entre ou avec les images qu'il faut textualiser. Pour cette raison, ces images doivent rester ouvertes et leur contenu demeurer de quelque manière insaisissable. Dans l'orientalisme, la responsabilité envers sa propre recherche exige, au contraire, de saisir et de textualiser à travers des images des peuples et les cultures dites orientales. Saïd assigne à cela une certaine importance afin de comprendre les transformations internes à l'orientalisme du XIXe siècle. Il dit, cependant, la distance entre l'Orient et l'Occident était presque paradoxalement en cours de réduction pendant tout le XIXe siècle, alors que les rencontres commerciales, politiques et existentielles d'autre manière entre l'Est et l'Ouest devenaient plus nombreuses, il s'est développé une tension entre les dogmes de l'orientalisme latent, avec son support, l'étude de l'Orient classique, et les descriptions d'un Orient présent, moderne, manifeste, articulé par des voyageurs, des pèlerins, des hommes d'État, etc. Et voilà encore la vision de l'orientalisme manifeste dont on parlait tout à l'heure. Or, Cette situation détermine des actes de vérité sur l'Orient en deux sens. Premièrement, en fonction du degré et des modalités du contact effectif avec l'Orient et les gens qui l'habitent, là où ce contact a eu effectivement lieu. Deuxièmement, il s'agit par contre d'examiner de quelle manière ces contacts ont été textualisés, c'est-à-dire comment la pression du discours orientaliste, les pressions du discours orientaliste ont opéré afin de fermer et de déterminer de la façon la plus exhaustive l'expérience avec l'Orient. Ou, inversement, comment les énoncés produits par l'écriture ont pu conserver une ouverture à l'égard de ce qui s'offre à l'expérience en évitant, autant qu'il possible, des généralisations orientalistes. En ce qui concerne cette dernière possibilité, que pour Saïd reste d'ailleurs très limitée, on le rappelait la première journée, il faut dire que c'est là que les actes de vérité qu'on retrouve dans les pratiques d'écriture peuvent s'ouvrir à la possibilité, rappelée par Omi Baba, des formes diachroniques de l'histoire et de la différence qui circulent au-dessus des signifiants plus généraux comme l'Orient et les Orientaux. En bref, dans ces passages, l'écriture est traversée par une tension à la fois épistémologique et éthique, de laquelle surgit enfin une question fondamentale : comment représenter ceux que l'orientalisme appelle les Orientaux ? Bon, troisième opposition technoéthique, c'est celle de le principe de la fidélité au style de l'écriture qui était hanté par contre par la nécessité de l'originalité. Par ce dilemme, Saïd recentrait cette opposition par rapport aux stratégies de transfiguration sémiotique du soi de l'artiste en déclenchant ainsi la possibilité d'une contre-focalisation en mesure de réorienter sa perspective sur le monde et sur le présent. Sindar McGuinness, ces pratiques relevées de l'originalité et de la créativité littéraire, dans l'orientalisme, en revanche, elles rendent compte de la constitution d'un point de vue du point de vue de l'orientaliste, ou de l'écrivain ou du poète qui produit des énoncés orientalistes. Donc, le point de vue orientaliste par rapport à son expérience de l'Orient et à sa mise en texte. Autrement dit, il s'agit d'explorer les modalités stratégiques et pratiques par lesquelles l'auteur orientaliste réclame, à travers ses propres pratiques d'écriture, sa propre autorité. Évidemment, au niveau de l'écriture orientaliste, cette opposition est fort rattachée à la précédente, c'est-à-dire au rôle joué par les personnes rencontrées en Orient. En outre, à ce moment, se rencontre deux tendances générales qui impliquent la présence d'un soi et la revendication de ces dernières à figurer comme les garants de la vérité. À la première de ces deux tendances correspondent des actes de vérité qui se jouent à travers des techniques d'écriture ethnographique, dans ce cas orientaliste, qui sont davantage impersonnelles. Dans la deuxième tendance, il s'agit d'actes de vérité qui se jouent par le biais d'une écriture où, au contraire, l'histoire de l'auteur sera sémiotiquement employée, mise en avant. Ce seront les cas des témoignages personnels, c'est-à-dire les comptes rendus des voyages, les journaux intimes et les ouvrages littéraires. Positionner sémiotiquement et stratégiquement son propre soi, avec toutes ses instances d'autorité dans ce type d'acte de vérité, amène à ce qu'on pourrait désigner comme un renversement performatif, de l'épistémologique en éthique. Par là, il faut entendre qu'en adoptant un point de vue orientaliste marqué de la sorte, l'écrivain ou le centre observateur met en place non seulement des actes épistémiques, mais aussi que la carrière orientaliste présuppose des moments formatifs aussi bien qu'un certain type de rapport à soi qui détermine de quelle manière les vérités énoncées sans cesse par le discours orientaliste peuvent se manifester sous la forme de la subjectivité et à travers ces pratiques d'écriture. Il y a là peut-être un lien avec la dimension personnelle que Saïd souligne dans son introduction à l'orientalisme, sur laquelle je n'ai pas le temps de m'arrêter, c'est la réélaboration critique de soi-même qu'il prend de Gramsci et qui équivaut à un connais-toi toi-même. Bon, je passe tout de suite à la dernière opposition, dont il était question dans Beginnings, et qui portait sur la phase de la carrière où l'enfance a rapproché la fin de la vie, et dans laquelle, pour autant, il s'agissait d'explorer de quelle manière on pouvait produire des ouvrages qui résument et définissent la carrière une fois pour toutes. Ici, l'enjeu est celui de continuer à créer des ouvrages originaux et irréductibles à toute interprétation partielle ou totalisante. Dans Beginnings, cette opposition décèle une certaine nature existentielle, si vous voulez, et donc semble relever plus de la carrière littéraire que de celle orientaliste. Néanmoins, on peut également repérer ici un passage de dérivation important, se focalisant sur une analogie à mesure de relier ces moments techno-éthiques à un ensemble pratique qui concerne également la carrière orientaliste. Cela, à partir d'un autre type d'acte de vérité, qui consiste à imaginer sa propre œuvre comme étant en mesure de dégager des effets bien après la fin matérielle de la carrière. Si cette phase de la vie littéraire s'exposait au risque d'une sorte de fermeture, car elle était résumée dans une représentation d'ensemble qu'il fallait au contraire excéder, sur la scène orientaliste, en revanche, il s'agit de résumer et de justifier chaque action et chaque ouvrage de sorte que la carrière se voit inscrite dans un cadre d'une mission, c'est-à-dire la mission civilisatrice ou le fardeau de l'homme blanc pour les Anglais, et donc à l'intérieur d'un projet de rédemption. Par conséquent, ces niveaux rendent compte de tous les actes de vérité propres aux pratiques textuelles et rhétoriques qui répondent à l'exigence de dépasser les bornes de la carrière individuelle. Ainsi, on va contribuer à un projet collectif, celui de la nation ou de l'empire, se déroulant de manière téléologique ou autrement dit eschatologique. C'est justement cette modalité de l'acte de vérité qui donne enfin une valeur unitaire à l'activité de toute carrière. Bien, je vais conclure en remarquant que toutes ces transformations des oppositions technoétiques dont Saïd part en Beginnings et qui nous amènent à voir l'opérativité conceptuelle qui conserve la notion de carrière dans l'orientalisme, ces transformations peuvent être comprises seulement si on considère l'orientalisme comme un régime de vérité, un régime de vérité foucauldien. Et c'est là, dans la mesure où celui-ci, ce régime de vérité, porte sur l'étude de l'ensemble des relations qui lient les manifestations de vérité avec leurs procédures et les sujets qui en sont les opérateurs, les témoins ou éventuellement les objets. Je pense que les actes de vérité qui sont demandés aux orientalistes ou aux figures littéraires qui consolident et répandent certains dogmes du discours orientaliste peuvent effectivement dissiper un malentendu, ou plutôt les paradoxes auxquels je me référais au début, à savoir que précisément là où Saïd, à travers la notion de carrière, pensait de se démarquer de la perspective foucauldienne en posant les problèmes de la subjectivation à l'intérieur du discours, il se trouvait en réalité dans un ordre de problématisation qui reste très proche de celui que Foucault commence à aborder à la fin des années 70 et qu'il développe au cours des années 80. Et je pense qu'au-delà de tout événement de leur rapport personnel, il est aujourd'hui possible de dépasser l'image déformée que chacun des deux a donnée de l'autre pour mettre analytiquement en rapport les enjeux théoriques, éthiques et politiques qui demeurent fondamentaux pour l'itinéraire de recherche de ces deux figures majeures de la pensée critique du XXe siècle. Merci pour votre attention.